Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, l'inceste, une série de Johanna Bedeau réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a un an, une vague de témoignages portés par le hashtag MeTooInceste déferlait sur les réseaux et que le gouvernement mettait en place une commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Et qui a permis de mettre en évidence les dysfonctionnements et les insuffisances de ces institutions. Et dans vos oreilles aujourd'hui, une mère dans un labyrinthe administratif absurde et cruel, des situations ubuesques et tragiques et des institutions qui voudraient faire mieux. Mais pour commencer, deuxième épisode, on est au commissariat à Nîmes, et là encore, les oreilles sensibles peuvent s'éloigner. Oui, bonjour, commissaire de police de Nîmes, à la brigade des mineurs. Si vous pouviez me rappeler, en fait, sur le numéro qui vient de s'afficher, c'est pour la restitution de votre clé USB. Voilà, je vous remercie, j'attends votre appel. Bonne fin de journée, au revoir. Alors, elle s'est confiée à son petit copain, qui habite sur Nîmes, qui a 14 ans. Donc lui, je vais l'auditionner avant que le dossier parte. Elle s'est confiée après à sa tante. Tout est dans le 13. Et en mai 2020, elle rencontre la petite copine de celui qui fait les attouchements. Et en septembre 2020, la petite copine, elle s'est mise dans le jeu, en fait. Il y a eu pénétration digitale sur la petite. Il y a eu une fellation. Il m'a demandé après de le toucher. Donc voilà. Et au départ, ouais, c'est ça. Au départ, à 8 ans, il fait prendre ça comme un jeu. C'était un jeu, le jeu, elle me dit, de 07, ou je sais pas trop, je connais pas ce jeu. Et à un moment, vous savez, comme taper dans les mains. Et après, comme elle grandit, je lui dis, mais est-ce qu'il continue un peu le sentiment du jeu? Et elle me dit, non, en fait, c'était devenu un rituel pour lui, en fait. C'est son cousin? C'est son cousin. Il est au courant? Il est au courant. Il est au courant qu'elle a... Il est au courant. Parce que toute la famille a discuté, tout le monde. Toute la famille a discuté. La maman de cette petite et le papa en ont parlé. Donc, en fait, c'est le frère de la maman. En ont parlé. Donc, ils ont eu du mal à encaisser le coup, quand même. Et le gamin aurait dit... Il aurait reconnu... Il n'aurait pas nié les faits. Mmh. Ok. Voilà, merci, Sophie. Ouais. L'inceste, police-justice au cœur du déni. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Elle s'est mise à aller moins bien, donc moi je me suis dit que c'était du fait de la séparation, même si c'était un peu en contretemps, mais comme son père était très agressif, y compris au moment des passations, il était très agressif avec moi, j'ai essayé de lui en parler en lui disant que ça pouvait la mettre dans un conflit de loyauté, que ça pouvait la mettre mal, donc... Ça a surtout démarré parce qu'elle s'est mise à être très constipée, mais vraiment très constipée. Elle pouvait ne pas aller à la selle pendant 10 jours. Elle était en colère contre moi. Elle me tapait, ce qu'elle faisait jamais auparavant. Elle a eu des problèmes de sommeil. Alors que ça a toujours été un super bébé qui dormait hyper bien. Elle a commencé à avoir pas mal de troubles du sommeil. Et en fait, quand je l'ai retrouvée au retour des vacances, elle avait passé la première quinzaine donc avec son père. Elle était très angoissée, on est parties toutes les deux. Et en fait, elle a commencé à me parler du bain. En fait, elle me parlait du bain tout le temps. Elle me disait, papa, il dit qu'il faut pas se laver comme ci, comme ça. Ça revenait beaucoup cette thématique du bain que j'ai pas trop comprise. Elle avait des réflexes qu'au début, d'ailleurs, moi, j'ai trouvé plutôt drôles, mais pour le coup, mes parents qui l'ont vu n'avaient pas trouvé ça drôle. Elle jouait dans l'eau en tournant sur elle-même tout le temps, avec un peu des réflexes un petit peu autistiques. Mais bon, voilà, les vacances se sont passées. Elle était très obsédée aussi par sa beauté, parce que elle me disait beaucoup qu'il fallait qu'elle soit très belle pour son père. C'était un peu obsessionnel quand elle l'appelait, parce que du coup, j'organisais des appels et son père lui demandait tout de suite comment elle était habillée, est-ce qu'elle était belle. Il la prenait beaucoup en photo. Enfin, il y avait tout un truc où des amis m'avaient alerté. Les photos nous gênent un peu. C'est un peu bizarre, les photos qu'il poste, parce que moi, je poste pas tant que ça, mais puis j'ai pas de compte Instagram, tout ça, donc je voyais pas, en fait. Donc des amis m'ont dit, donc elle était beaucoup dans ce truc de... Puis elle avait plus envie de dire bonjour aux gens, elle était moins sociable. Elle m'avait dit, j'en ai marre de faire le clown, je fais toujours le clown pour mon père, je dois faire le clown pour lui, devant ses amis, enfin un truc bon de mise en scène. Donc j'en ai parlé à son père, je lui ai dit, il y a un problème, elle parle du bain, elle dit que tu dors avec elle, parce qu'elle n'a pas de chambre chez son père, donc il dormait avec elle. Enfin voilà, tout le monde nous alerte, aucune réponse. Oui ? Il est pas là ? Il est parti. Ah ! Ben, je vais l'attendre, alors. Non, mais ça, ça donne quoi, alors ? Il ne s'est pas présenté ce matin. J'ai eu la maman au téléphone qui m'a dit que son fils était malade, qu'il n'était pas en mesure de pouvoir se présenter, qu'il viendrait demain après-midi. Normalement, peut-être. Ouais, on n'est pas certain. On n'est pas certain. On savait que ça allait être difficile, mais il nous a fait la surprise, il ne vient pas, quoi. C'est ça, exactement. Ok, bon, ben on verra demain s'il vient. Moi aussi, j'ai un truc pour vous. Alors, on a reçu un courrier, ben, ça vient du parquet, une instruction du parquet. On reçoit une lettre plainte d'une dame qui a 43 ans et elle dénonce des faits, un crime sexuel sur mineur. En fait, elle indique qu'elle a été victime de son oncle par alliance, qui, lorsqu'elle avait entre 6 et 7 ans, à son domicile, il s'introduit dans sa chambre et il l'a caressée pendant son sommeil. Elle s'est réveillée, il l'a embrassée sur la bouche, il a introduit ses doigts dans son sexe. Apparemment, il a fait en présence du cousin, enfin de son fils. L'auteur, son fils, dormait avec la jeune fille. Donc, le cousin de la victime a vu son père l'embrasser. Depuis la loi du 21 avril 2021, l'article 222-22-3 du code pénal dispose. Lui a demandé de faire une fellation. Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées, il me disait, viens, tu es où ? Et elle lui a répondu, laisse-moi tranquille. Et là, il est parti. Et c'est là qu'elle dit qu'elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'elle se dit, alors, j'aurais pu lui dire ça avant. S'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. Petite, je gardais le secret que j'avais peur de lui, j'avais peur que ma famille soit triste. Puis le secret est resté enfoui. Et aujourd'hui, elle a décidé de parler, même si elle sait que les faits sont malheureusement prescrits. Mais elle pense qu'elle n'est peut-être pas la seule victime de ces actes. Donc si ça peut aider une autre victime, il faut que les choses soient dites. Elle se tient à notre disposition. Et elle demande d'enregistrer sa plainte afin de donner une suite légale à cette affaire et de faire valoir ses droits. Ayant été avec lui, je me suis dit il y a de la maltraitance psychologique. C'est ça que je me suis dit. Et puis il y avait ces trucs du bain. Alors c'est quelqu'un qui est assez maniaque, donc je me suis dit est-ce que, je sais pas, dans un délire, il la lave trop fort, il la frotte trop fort, et que du coup elle, ça touche à son intégrité. Enfin, je suis beaucoup partie en fait là-dessus. Et c'est à partir de là, pour le coup, que pour la première fois, ma fille a commencé à me dire qu'elle voulait plus aller chez son père, qu'elle voulait plus être toute seule avec lui. Et ça, ça a duré après pendant à peu près un mois et demi, et ça a été le mois et demi de la descente aux enfers. Elle ne voulait plus manger. Elle a fait une sorte de grève de la faim. Elle parlait de trucs sexuels tout le temps. Elle disait que fallait pas se mettre des stylos dans l'anus, qu'il fallait pas se mettre des stylos dans la foufoune. Elle se prostrait sous la douche. Elle racontait des trucs toujours pareils sur le bain. Je me rappelle un jour sur une crème de change, elle m'a dit ah, ben c'est la crème que papa il me met tout le temps, même quand je suis pas rouge, il me met tout le temps cette crème là sur le sexe. Bon, je et oui, pendant les vacances, oui, elle m'avait aussi dit que son père lui avait demandé de lui nettoyer son pénis. Moi, je lui en ai parlé assez naturellement au père. Je lui ai écrit, et d'ailleurs, heureusement, parce que ça a été une preuve écrite qui a servi par la suite. Et il m'a répondu un truc très bizarre, comme quoi elle avait des problèmes d'exhibition avec moi, et que c'était elle qui avait demandé à le laver. Et bon, voilà, enfin, un truc un peu alambiqué, très étrange. Puis elle a commencé à raconter qu'elle avait une pieuvre dans la tête. Quand elle rentrait ici, elle voulait systématiquement fermer toutes les portes. J'ai été voir la directrice d'école, j'ai expliqué à la directrice ce qu'elle disait. Donc eux m'ont dit aussi qu'il a trouvé hyper renfermé, pas bien, enfin voilà que... Et elle parle extrêmement bien, donc elle s'exprime extrêmement bien. Elle est en petite section, elle a 3 ans et demi. Donc elle répète beaucoup qu'elle a peur. Enfin, c'était il y a 2 ans, mais c'est encore super dur, puisque cette période-là était vraiment hyper cauchemardesque, puisque j'étais toute seule avec elle ici. et je comprenais pas du tout en fait ce qui était en train de se passer, et je comprenais pas pourquoi ma petite fille elle était comme ça. Alors j'ai essayé d'en parler au père, ça a pas trop abouti, je lui ai proposé d'aller en rendez-vous pédopsychiatre, il n'est jamais venu au rendez-vous. Puis en fait, on a eu 3-4 soirées de l'horreur intégrale, dont une où elle s'est complètement prostrée sous la douche en se mettant à se laver hyper fort, en me disant qu'elle avait des secrets avec son père, qu'elle avait cette fameuse pieuvre dans la tête, elle était prostrée dans la cuisine. Et là, les amis que j'avais vus, je leur ai expliqué, j'ai dit tout ça, c'est hyper bizarre. Donc les gens ont commencé à me dire, oui, c'est très bizarre ce que ta fille raconte, c'est très bizarre les symptômes qu'elle a, c'est très bizarre constipation, problème de sommeil, hurlement, crise d'angoisse, la douche, les secrets. Enfin, les gens m'ont dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est possible qu'il se passe des choses graves. Donc je dis, bah moi, ce que je vois juste, c'est qu'elle va trop mal. Et l'avocate me dit, on n'avait pas de garde officielle, donc on n'avait pas de jugement, en fait. Elle me dit, retirez-la. Et on fait un référé en urgence devant la justice, il n'y a pas de garde, donc vous n'êtes pas en non-présentation d'enfant ou quoi, et là, il faut que vous protégiez votre fille, ça ne va pas. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Voilà, moi j'ai été violé par un homme, de mes 11 ans et demi à 16 ans. J'ai pu en parler 18 ans après, grâce à un copain d'enfance, un copain de rugby, Mathieu, qui avait un comportement sexuel dissolu. En fait, il a voulu comprendre ce comportement, il a fait une hypnose partielle, qui a révélé des viols qu'il subissait tous les mercredis après-midi, je crois, dans la grange de chez ses parents, par son voisin surnommé Cricket, l'ami du village, l'ami de tous, l'ami de mes parents, le mari de ma cousine. Et il me parle de ces viols, et le lendemain, ben, je l'appelle pour lui dire que ben, moi aussi j'ai été violé, mais ça a duré 4 ans. On était trois personnes inséparables, avec un troisième, je vais le voir, je lui dis, écoute, voilà ce qui s'est passé pour Mathieu, ce qui s'est passé pour moi, pourquoi pas toi ? Et il me dit, moi aussi. Donc, on était inséparables, et à aucun moment, l'un et l'autre a imaginé que l'un et l'autre pouvaient être victimes de ce prédateur, puisqu'il était serviable, disponible, gentil, en fait, il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui les vendredis, soit des entraînements de rugby, soit des répétitions de musique. Si je rentrais avec quelqu'un d'autre, j'étais puni la semaine suivante d'une de ces deux activités. Et ce que savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Et ça, ça a duré 4 ans. C'est bon pour vous ? Je compte sur vous demain après-midi. Alors, cet inceste se passe de mes 9 à 12 ans, avec mon cousin qui d'ailleurs habite dans le même village que moi, un petit village de 2000 habitants. Et en fait, c'est la mère de mon agresseur et la cousine de mon père. Donc c'est un couple qui se voit très souvent avec mes parents, ils partent en vacances, etc. Et donc ce qui fait que mon cousin et moi avait une relation assez proche, où voilà, on était souvent invités chez eux, ce qui contribuait à jouer souvent ensemble, etc. Et ça s'arrête le jour où, donc, pour mes 12 ans, où je réussis à en parler à mes parents. Je me rappelle le soir, après être rentré de l'école, sur une petite histoire, une broutille avec mes voisins, une petite bêtise que j'avais faite, ma mère me demande « Et t'as pas quelque chose d'autre à nous dire ?» Sans aucune réponse dans la tête, sans, voilà. Et là, je leur dis, si, j'ai mon cousin qui me fait des fellations, qui m'embrasse, etc. Et donc là, bien sûr, mes parents sont tombés des nus, et on a commencé à en parler. C'était le vendredi soir. Bien sûr, on a de suite pris la décision d'aller porter plainte. Merci, c'est gentil. L'avocat qui s'occupait de moi en lisant les éléments me dit faut déposer plainte, et finalement sur conseil je dépose plainte directement auprès du procureur pour maltraitance, et je dis qu'il y a des propos à connotation sexuelle, mais j'ai encore énormément de mal à le j'ai mis beaucoup de temps à accepter, en fait. Et quand je retire ma fille, là pour le coup elle continue à beaucoup parler, et là les propos à caractère sexuel sont de plus en plus importants une fois qu'elle est retirée, et très rapidement elle a quand même été mieux. Au bout d'un mois, à peu près, enfin, elle s'est mise à manger, donc il y a eu un suivi psy assez resserré. Avec moi, elle dit des choses par intermittence à des moments qui sont un peu toujours les mêmes, qui sont celui de la douche et du coucher. Par exemple, que son père lui arrache le sexe la nuit. La première fois où mon conjoint a dormi ici, elle m'a dit « Ah, ce qui est bien avec ton amoureux, c'est que lui, au moins la nuit, il vient pas m'arracher le sexe. » Donc ça, c'était quelque chose qui revenait hyper régulièrement. Donc nous, on exprimait ce mal-être qu'on avait, mais on mettait ça sur l'âge bête, hein, sur le changement hormonal de l'adolescence et préadolescence. On a commencé par être violent. Un des trois est devenu très introverti. Il y a eu l'alcool. L'alcool qui était un prétexte aussi à la violence après. Il y a eu le sexe, où on multipliait les conquêtes pour se prouver qu'on était hétéro et pas homo, comme ils voulaient nous le faire croire. Et après, dès que j'ai gagné de l'argent, c'était le casino, sans limite. Parce que quand on est victime, on n'est pas borderline, hein, on est jusqu'au boutiste. Hein, on va aller. Je pense que j'arrivais pas complètement à accepter. Et en fait, je l'entends, c'est-à-dire je le conceptualise en fait. Voilà, c'est plus ça. Je conceptualise que c'est arrivé. C'est-à-dire, je me dis, ma fille a été victime de violences sexuelles par son père. C'est comme une phrase théorique en fait. Par contre, je ne l'imagine pas. C'est-à-dire, il y a un truc qui ne franchit pas votre cerveau en fait. Je pense qu'on a d'abord du mal à penser l'inceste. Ernestine René, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Nous, société, avant les policiers, les gendarmes, les magistrats, nous. Parce qu'on sait que même quand l'enfant parle, même dans le cercle familial, elle n'est pas forcément crue. Elle ou il n'est pas forcément crue, ça on le sait aussi. Hein. Donc il y a un véritable effort, à mon avis, pédagogique à faire en direction de la société pour que chacun, chacune s'autorise à penser l'inceste, à penser que c'est possible. Que, en fait, ce père, ce grand-père, cet oncle, cette grand-mère, ou je sais pas qui, que je connais bien puisque je suis de sa famille, que j'aime, peut être quand même un agresseur. Ce qui a été super pour elle, c'est qu'elle a été crue par plein de gens, et les gens lui ont dit. Franchement, une direction d'école qui a été extraordinaire, qui lui a dit « Nous, on te croit. On signale et on te croit et on va le dire au juge. » Un médecin qui lui a dit « Moi, je te crois. » Un psy qui lui a dit « Moi, je te crois. » Enfin voilà. Elle a beaucoup d'adultes qui lui ont dit « On te croit. » Et à chaque fois qu'elle a parlé, il s'est quand même passé quelque chose. Et en fait, quand je lui ai annoncé qu'elle allait plus chez son père, elle a sauté dans la rue en me disant que j'étais magique et en se mettant à crier de joie dans la rue. C'était hyper violent. Je crois que ça a été un des moments les plus violents parce que c'est là que je me suis dit, en fait, pour qu'elle me dise ça, alors qu'il y a un an, elle était hyper contente d'y aller. Enfin, globalement, il n'y avait pas de sujet. Alors déjà, moi, ce que j'ai remarqué dans toutes les victimes d'inceste que j'ai rencontrées, c'est que finalement, elles ont toujours dit quelque chose au début. Emmanuel Piette, médecin. En particulier quand ça arrive assez tôt, avant 5-6 ans, et c'est très souvent que ça arrive assez tôt, ils n'ont pas encore complètement intégré l'interdit. Donc ils vont dire des choses assez simples comme « du pipi de papa, il sort du lait tout blanc » ou « il m'a fait mal au cucu » ou des choses comme ça qui sont assez explicites et qui pourraient... interroger. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mères qui entendent ça et qui vont essayer de porter cette parole. La plainte est importante. Bien sûr, tous les policiers, tous les gendarmes ne sont pas formés à recevoir la parole de l'enfant. Mais il y en a qui sont formés. Et quand ils sont formés, ils font ça très bien. Et donc, à ce moment-là, ça peut être aussi un chemin tout à fait important qui peut se passer. Parce que ce qui est fondamental au départ, c'est l'audition de l'enfant. Parce que c'est par l'audition de l'enfant que le magistrat va décider ou non déjà de poursuivre. Et puis bien sûr, c'est aussi par l'audition de l'enfant qu'une enquête va s'ouvrir. Et l'enquête sera d'autant plus efficace que l'audition de l'enfant aura été bien faite. Alors évidemment, ça suppose que l'enquête se fasse réellement et qu'elle se fasse à partir de tous ces éléments-là. C'est-à-dire des éléments que l'enfant aura apportés. Mais l'enfant apportera des éléments si elle est en confiance. Sinon, elle n'apportera rien. Si on commence par lui dire « Tu sais, c'est extrêmement grave, ton papa peut aller en prison, etc. », franchement, ça va pas l'aider. Si au contraire, on lui dit « Je te crois, dis-moi comment ça s'est passé », et qu'on laisse la parole libre de l'enfant s'exprimer, ce qui est le cas dans les protocoles NICHT ou d'autres protocoles que la police et la gendarmerie ont, qui existent, à ce moment-là, on aura des éléments et ensuite le policier ou le gendarme pourra réinterroger, etc. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire ? Ça veut dire qu'il faut que les policiers et les gendarmes soient formés Et je dis pas seulement formés, faut qu'ils soient volontaires pour faire ça, qu'ils aient envie de le faire. Et la troisième chose, c'est qu'ils soient sélectionnés pour que, justement, on n'ait pas de potentiel agresseur qui interroge les enfants. Bon. Ou des gens qui ne croient pas à la parole de l'enfant, qui pensent que, de toute façon, les enfants, c'est manipulable, etc. Et on voit que, dans toutes les études internationales, la manipulation, c'est quelque chose de peanuts, de très petit. Ça n'existe quasiment pas. Je dirais que ce que mon père pratiquait avec moi et aux yeux de mes frères et sœurs, hein, parce que après, ce qui s'est, il s'est passé des choses aussi avec ma petite sœur, avec mes petites sœurs. Mais les bisous sur la bouche, les caresses sur les seins, être tout excité, amusé de voir que j'ai les seins qui poussent et qu'au pubis j'ai quelques poils qui apparaissent. Voilà, ça me gênait beaucoup, ces gestes, mais ça l'amusait énormément. Et au lieu de me voyant gênée, arrêter, il poursuivait de plus belle. Voilà. Et ça se passait en général le dimanche matin, dans le lit, avec lui et sa femme. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, elle se fâche très fort, et j'étais âgée, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Bon, sauf que moi, j'ai pas du tout ressenti que c'était pour me protéger. Et j'ai senti que elle trouvait que... Enfin, il y avait une sorte de jalousie avec moi. Mais il a essayé de se retenir et m'embrasser sur la bouche, déjà. En tout cas, ça a été quelque chose d'important. Et Marc, c'est le frère aîné de mon père. Mon père avait une très grande admiration pour lui. Il était toujours très flatté que Marc vienne à la maison. C'est un navigateur. Et Marc venait de temps en temps chez mon père. Et un soir, mon oncle a voulu m'emmener moi toute seule au cinéma avec lui. Et mon père a dit oui. Et je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens pas du film. Ensuite, il est venu donc dans ma chambre. Et il s'allongeait à côté de moi et il me parlait de la voile. Et il savait que ça allait très mal chez mon père, entre moi et mon père et sa femme, qu'il y avait des gros problèmes par rapport à ma mère. Et il me parlait de voyages, qu'il pourrait m'emmener sur une île, découvrir il y a des dauphins, etc. Et en même temps, j'avais souvent une longue chemise nuit blanche que j'aimais bien. Et il me touchait. Et il me touchait jusqu'à mettre ses mains sur mon sexe et à l'intérieur. Je l'ai dit à mon père. Et mon père m'a dit que... Enfin, que c'était pas si grave, et que déjà pourquoi je me suis pas défendue, que c'était pas si grave. Et ça a été clos, terminé, et mon oncle est revenu à la maison. Après. Et cet oncle-là a violé ma petite sœur Émilie quand elle avait 14 ans. Et. Un soir, mon père m'a dit que Caroline, son frère, le plus jeune, proposait de me prendre pour remplacer sa secrétaire et qu'il me paierait. J'ai senti une inquiétude tout de suite parce que Caroline, je le connais. Je connais ses gestes. Je connais ses gestes avec Juliette, la femme de mon père. Je sais quelle personne c'est. Il était venu se frotter déjà plusieurs fois à moi. J'ai eu une inquiétude, mais à vrai dire, je n'avais pas vraiment le choix. Parce qu'il fallait que j'aie gagné des sous. Et je suis partie, et j'ai dû partir à Marseille chez mon oncle. On m'a dit que ma tante y serait, Alix. Enfin, sa femme. Sauf que elle n'y était pas. Et moi, ce jour-là, c'était dans l'après-midi, en fin d'après-midi, je pliais le linge sur la terrasse. Et lui vient s'asseoir sur le canapé de leur salon. Et il commence à me parler. Et puis en fait, ce qu'il veut, c'est que je m'approche. Ce que j'aurais voulu pouvoir faire, c'est me casser, quoi. C'est partir. Et lui dire, tu me dégoûtes, gros porc. En fait, je sentais ce qui était en train de se préparer, mais je pouvais pas partir. Enfin, je pouvais pas appeler qui voulait que j'appelle, ma mère, mon père. Qui? Et donc voilà, il a mis en miettes tous les arguments que j'avais. Et il m'a fait le suivre dans la chambre au fond, où il y avait un poème de Baudelaire au mur. Un beau poème sur la nature. Et il m'a fait m'allonger. Je sais que j'ai enlevé le haut, voilà, et que je me cachais parce que j'étais gênée. Et il m'a violée, il m'a pénétrée par devant. Il a éjaculé. Là, j'avais le souffle. J'étais plus. J'étais comme désincarnée. J'étais. En tout cas, je suis allée à la salle de bain. Je me suis lavée. Lui est parti tout de suite. Et je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai appelé mon amie Anne pour lui dire ce qui venait de m'arriver. Parce que c'est à elle que j'avais dit la première fois ce qui se passait avec Marc, qui m'avait dit « Jess, c'est pas normal du tout ce qui se passe dans ta famille. C'est pas normal. » Moi, c'était... J'étais pas bien, mais c'était ma normalité. C'est là-dedans que j'ai grandi, quoi. Ça m'a pétri. J'ai dû désapprendre tout ça, en fait. Et donc, elle m'a dit « Mais pourquoi t'appelles pas ton père ?» Je dis « Mais Anne, je peux pas appeler mon père. Je peux pas. » En plus, c'est des gens qui vous disent « Pourquoi tu te défends pas ?» Et elle m'a dit « Appelle ta belle-mère. Appelle Juliette. » J'ai appelé Juliette, voilà. Mais je l'ai dit à Anne, et Anne, elle a pu témoigner. Madame Huguetto ? Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, je vous remercie, c'est gentil. Je vous appelle pour voir avec vous, pour pouvoir prendre connaissance des déclarations de Tamara. Eh oui, je sais que c'est compliqué pour vous, vous allez venir de loin. Ah, dites-moi. Parce que la maman, c'est la maman qui a l'autorité parentale. J'ai rencontré une première JAF qui a été la même tout au long de l'affaire, qui est celle qui a protégé pour le coup ma fille pendant pas mal de temps. Lui avait saisi la juge des enfants, une première juge des enfants, alors là je dois dire très arrogante, qui nous a accueillis en nous forçant à nous asseoir l'un à côté de l'autre, parce qu'en fait celle qui décide c'est son bureau, c'est elle la chef, qui a commencé à nous parler en se plantant de dossier. Donc j'avoue, et j'aurais peut-être pas dû faire ça, ça a dû la vexer. J'ai fini par lui dire au bout de 10 minutes que c'était pas notre dossier, en fait, parce qu'elle parlait quand même d'un autre dossier, donc c'était un peu gênant. Enfin, vous avez les détails d'un autre dossier de quelqu'un d'autre. Qui nous a dit pendant l'audience que de toute façon, elle allait quand même pas lire notre dossier, quoi. Ça lui prendrait 3 jours, il y avait trop de pièces, donc elle avait vraiment autre chose à faire. Que toutes les situations étaient les mêmes. Que de toute façon, c'était du conflit entre les parents. Une mère manipulatrice, bien évidemment. Elle m'a dit que la pire chose qui pouvait arriver à un enfant, c'était d'être retirée à son père. Elle a été d'une violence vis-à-vis de moi terrible, très très complaisante avec le père, qui pleurait, parce qu'il pleure beaucoup. Il pleure beaucoup, donc il pleurait. Donc elle était très touchée par ce père qui pleure, et qui nécessairement était victime d'une femme manipulatrice. Elle n'a posé aucune question au père, quasiment. Voilà. Ils avaient demandé à ce que ma fille soit présente. Finalement, ils ne l'ont pas entendue. Heureusement, j'avais demandé à la nourrice d'être là, donc elle a attendu avec elle 2 heures dans la salle. Et d'ailleurs, la juge est allée la voir à la fin en disant « Tu sais, faut pas que t'écoutes ce qu'on te dit, on te dit n'importe quoi, il faut que t'aimes ton papa. » Je pense que, juge des enfants, je dois recevoir chaque enfant et parler avec lui, quel que soit son âge et quel que soit l'état de son développement. Édouard Durand, juge pour enfants et coprésident de la Civise. Et j'ai été amené à penser aussi que je devais garantir que ma salle d'audience... Mon audience devait être pour l'enfant des espaces et des moments de sécurité et pas de terreur. Et en tout cas, il me semblait nécessaire que, comme tout autre, ils aient le droit d'entendre la parole du juge qui décide pour leur vie. Et qu'ils puissent attendre du juge qu'il s'explique devant eux. Donc je maintiens ce principe. Et je pense que c'est très important. Ça a été horrible pour ma fille et moi derrière, vis-à-vis du père. Enfin, déjà, rien qu'à la sortie, il nous a suivis dans le tram, il nous a accompagnés, il s'est assis à côté de moi. Moi, j'étais tétanisée parce que j'avais pas compris ce qui venait de se passer. Et là, ça a été un truc terrible parce que je me suis dit, moi, où en fait, il y a vraiment des gens, notamment des magistrats, qui croient, alors j'avais découvert ça entre-temps, à des théories qu'on appelle, par exemple, le syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire des théories qui n'ont aucun fondement scientifique, mais qui disent que, globalement, tout enfant faisant des révélations sexuelles est sous l'effet de la manipulation de sa mère. Typiquement, le père de ma fille, lui, ça a été sa ligne de défense tout du long, et certains juges ont adhéré à ça. Le syndrome d'aliénation parentale, il a quand même été créé de toutes pièces par Gardner, qui est un psychiatre américain, qui faisait la promotion des relations sexuelles entre adultes et enfants, donc une promotion vraiment pédocriminelle, et qui a dit que toutes les mères qui dénonçaient des violences sexuelles qu'auraient commises leurs maris sur leurs enfants, toutes elles mentaient, de toute façon. Muriel Salmona, psychiatre. Franchement, les psychiatres américains se sont bougés pour dire que ça n'a jamais été reconnu, ça n'a aucune validité scientifique, ça nous est encore servi de façon automatique. Donc, on a tous les éléments, mais on continue à tenir ces propos-là, et du coup à nuire aux victimes, et c'est des pertes de chance épouvantables. Ça, c'est pas une exception. J'en ai plein. J'ai plein de personnes à qui c'est arrivé. De patients à qui c'est arrivé enfant et de mères à qui ça arrive là en ce moment qui essaient de protéger leurs enfants et on se bat pour ça. Donc, je veux dire, si on n'entend pas un enfant qui parle, c'est l'horreur pour lui. Le peu d'espoir qu'il pouvait avoir dans la vie, c'est fini. Dans le monde, c'est fini. La justice, actuellement, n'est pas capable ou ne veut pas protéger les petits-enfants qui parlent d'inceste. Ça, c'est clair. Et à la Viol Femmes Information, on a énormément de dossiers de ce genre-là. La semaine dernière, on en a eu 3. Des petits-enfants qui ont parlé avec des phrases très explicites. J'ai en tête un des dossiers où il y avait même une expertise par un expert agréé par la cour qui racontait que l'enfant lui avait dit un petit gamin de 4 ans avec des mots très explicites racontant une sodomie de la part de son papa. Et la maman devait rendre l'enfant le 11 juin. C'était obligatoire. Parce que l'enquête pénale est en cours et que donc on a la présomption d'innocence en attendant continuer à faire courir le droit de garde. Et elle avait déjà eu une condamnation, elle risquait une deuxième, et là, c'est de la prison ferme. Mais voilà, donc et on en avait 3 comme ça cette semaine. Donc il y a une vraie urgence, parce que je pense au rôle des mères dans ces histoires-là, c'est pas facile la place de mère dans les histoires d'inceste, parce que ou c'est des salopes parce qu'elles n'ont rien vu et qu'elles n'ont rien fait, ou c'est des salopes parce qu'elles font et qu'elles essayent de protéger, et là, la justice les accuse de vouloir supprimer le père, l'image du père, ou de casser l'image du père dans la tête de l'enfant. Donc, il n'y a pas, pour les enfants, aucun principe de précaution. Aucun. J'ai découvert ce que ça voulait dire, insuffisamment caractérisé. Ma fille a parlé, mais elle a surtout parlé de ses peurs, de ses très grandes peurs. Elle a quand même parlé du bain, elle a quand même parlé de gestes dans le bain problématique, mais le policier m'a dit que ça risque d'être insuffisamment caractérisé. Donc effectivement, pour un enfant, c'est faut donner plus de détails, il faut que ce soit plus précis, il faudrait qu'il y ait presque des heures et des jours, en fait. Bon, ce qui, chez un enfant de 3 ans et demi à l'époque, n'est pas vraiment possible. Et puis après, on a été expertisées toutes les deux. Alors ça, c'est un truc marrant aussi. Alors sachez que si un jour, je ne souhaite pas que cela vous arrive, c'est que votre enfant sera expertisé psychologiquement, vous serez expertisé psychologiquement, mais le mis en cause ne sera pas expertisé psychologiquement. Voilà. Donc ça, c'est quand même un truc en enquête prélim. Non, sauf demande expresse du procureur. Par contre, la victime et la personne qui accompagne la victime, oui, c'est dans le protocole. Alors des fois, on en rigole toutes les deux. Elle me dit, quand même, maman, avec toute cette histoire, on aura découvert des lieux qu'on n'aurait jamais vus s'il n'y avait pas eu tout ça. Parce que du coup, on a eu la totale. Hein. On a eu l'unité médico-judiciaire, l'hôtel Dieu. On a eu la brigade des mineurs, les locaux avec... Elle a été convoquée à l'UMJ 18 mois après les faits, avec un policier qui était convaincu que 18 mois après les faits, il y aurait peut-être des traces. Donc, je lui ai dit, mais je crois pas, en fait. Et la médecin m'a dit, mais c'est complètement stupide, parce qu'en fait, non. Puis elle me dit, quand il y a des traces chez les enfants, c'est qu'il y a eu pénétration avec un pénis. Et donc là, effectivement, il y a des grosses traces. Mais là, généralement, l'enfant a fui nos urgences. Donc, comme la plupart des agressions se passent par chez les petits, en tout cas, parce que après, ça peut prendre d'autres proportions vers 8 ans, 9 ans, 10 ans, et l'adolescence surtout. Mais les premières agressions sexuelles, si on peut parler comme ça, commises par un adulte sur un enfant, c'est généralement avec les doigts, c'est digital. Donc ça ne laisse pas de traces, surtout 18 mois après. Mais oui, ma fille a vécu... Heureusement, les médecins étaient super. Enfin, franchement, mais le truc d'écarter les gens avec un médecin qui prend le sexe de votre fille en photo avec son iPhone, parce qu'ils n'ont pas de matos, hein, donc ils prennent les photos avec l'iPhone. Et puis, vous accompagnez tout ça. Et puis après, vous allez manger une super glace. Et puis, vous essayez de que ça se passe bien, quoi. Parce que... Puis avec un policier qui me dit, vous lui expliquez pas avant, hein, vous lui dites pas où vous allez. Heureusement que j'avais expliqué à ma fille où on allait, parce que vous arrivez, c'est le Covid, donc du coup, ils ont supprimé les salles d'attente enfants. Donc en fait, vous arrivez, il y a la nana qui vient de se faire taper dessus, il y avait un mec qui était en sang, il y avait, parce que les UMJ, c'est là où vous envoie la police pour tout type d'examen. Et donc la médecin était atterrée qu'on fasse subir cet examen, mais elle était obligée de le faire, c'est une réquisition judiciaire. Moi, j'étais obligée de l'emmener, hein, j'avais pas le choix en fait. Et donc voilà, et en plus de ça, parce que j'en ai parlé avec d'autres professionnels qui m'ont dit, mais de toute façon, il y aurait eu des traces, personne ne peut prouver que c'est lui, donc c'est complètement ridicule. Mon père, il fait n'importe quoi la nuit. La maison est petite, la famille se partage des lits superposés. Moi, je dors avec mon frère en haut, le lit est petit. Mon père, normalement, il dort avec ma mère dans le lit en dessous. Trois fois, mon père, il est venu en haut, à la place de mon frère. Mon père, il veut tout le temps me toucher partout. Il a même mis la main dans mon slip. Il aime bien toucher mes seins. Le père sera finalement relaxé des accusations d'agression sexuelle. Ce texte est un texte sorti d'un dossier dans le cadre d'une étude que nous avons faite à l'Observatoire des violences faites aux femmes sur la prostitution des mineurs. Et c'est donc une parole d'une jeune fille qui a donc parlé de ce qui lui était arrivé. Et dans la constatation que nous faisons, donc il s'agit de dossiers spécifiques, mais dans ces dossiers-là, 72% des enfants avaient révélé des violences subies, sexuelles, hein, et il n'y avait eu aucune suite judiciaire. Donc c'est ce qu'on appelle infraction insuffisamment caractérisée, classée sans suite. Et c'est là où il y a besoin à la fois de formation et sans doute d'un changement de positionnement vis-à-vis de la parole des enfants. On voit bien que cet enfant avait subi des choses qu'on peut considérer comme pas graves, que certains considèrent comme pas graves, et qui finalement handicapent toute une vie. Elle a subi quelque chose de grave, une double victimation. La première, c'est ce qu'elle a vécu de par son père. Et la deuxième, c'est ce qu'elle a vécu de la justice. C'est une mise en cause éventuellement qu'il faut, hein. Faut vérifier. Oui. De suite, prédécision d'aller porter plainte. Et le petit couac, si j'ai envie de dire, c'est que ce jour-là, le lendemain, mes parents ont pris la décision d'aller voir les parents de l'agresseur en leur disant, voilà, il s'est passé ça, donc on va les porter plainte, mais on voulait vous en informer. Et ce qui fait que mon procès a ensuite duré pendant 3 ans et s'est éternisé, puisque l'agresseur a eu le temps de réfléchir à sa défense et comme défense, dire que j'étais consentant. Et surtout que dans l'histoire, j'étais pas le seul. Le jour où je vais porter plainte, le gendarme me demande si je n'ai pas une idée que mon cousin aurait pu agresser d'autres personnes, par exemple. Et là, je dis si, j'ai peut-être une idée. C'est mon autre cousin qui a, lui, 2 ans de moins que moi. Et bien sûr, les faits ont été avérés, il a été entendu, il a aussi reconnu pour cette personne, donc on était 2 victimes. Il n'a pas pris de prison parce que à l'époque des faits, il était mineur. Donc il a pris 18 mois de sursis, 1 an de suivi psychiatrique obligatoire et des dommages intérieurs versés. Avant cette loi du 21 avril 2021 qui fixe un seuil d'âge en deçà duquel il n'est pas nécessaire de caractériser la violence, la contrainte, la menace, la surprise, seuil d'âge fixé à 15 ans et à 18 ans dans les cas d'inceste. Avant cette loi, la loi exigeait des policiers, des magistrats, et donc de l'enfant victime lui-même, qu'il prouve qu'il était dans une position asymétrique, d'infériorité, de soumission, face à un adulte passant à l'acte sexuellement contre lui. c'est une recherche de preuves non conformes au réel. C'était regarder l'enfant et lui demander s'il avait dit oui, s'il avait dit non, s'il avait dit non assez fort, s'il avait bougé, s'il avait crié, appelé à l'aide. Je me souviens de cette jeune fille qui avait été victime d'un viol en réunion pendant plusieurs jours dans une cave. L'un des accusés disait... Elle disait rien, la fille. Au sens de... Elle était d'accord. Mais on l'a pour d'autres fois. Je me souviens de ces adultes qui ont violé des enfants, parfois dans le cadre familial, qui disaient... Mais c'est lui, c'est elle qui me draguait. La loi ne peut pas donner prise à ce discours. Elle serait contraire à elle-même. Elle doit être claire. Et c'est aussi comme ça qu'elle renforcera la culture de la protection et le choix par chaque professionnel individuellement, enfin chaque situation, de faire le choix de la protection. Non. Pas rien sur nos fichiers sur Nîmes, quoi. Après, il faudra voir au niveau national, quoi. Ah là, vous avez regardé sur quoi, le sage. Il y a eu un premier procès à Aix-en-Provence. Et en fait, une semaine avant le premier procès qui enfin arrivait, parce que pour que l'instruction se termine, ça prend des années, après un dépôt de plainte, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, l'agresseur n'est pas encore auditionné. Donc, premier procès, une semaine avant le procès, il balance 17 nouveaux témoins. Alors évidemment, vu le temps imparti, une semaine, 17 nouveaux témoins, ben, il n'y a pas le temps. Donc c'est reporté d'un an. À l'issue de ce procès, qui enfin a pu se dérouler, il est condamné à 12 ans. Là, immédiatement, il demande à sortir. Donc mon avocat va plaider pour s'opposer à la liberté qu'il demande, enfin, parce que très rapidement, donc il a des experts médicaux qui disent qu'il est très très malade. Mon avocat, il est allé 3 fois pour s'opposer à la liberté qu'il demandait. Parce que je trouve pas normal que tu es condamné à 12 ans et tu fais semblant d'être malade, parce que je sais qu'il fait semblant d'être malade. Il a que des copains médecins et même les experts sont parmi ses potes. Enfin, donc finalement, il est assigné à résidence en Corse. Donc, tout de suite, il fait appel. Une semaine avant, 10 jours avant le premier procès en appel à Draguignan, ses avocats attaquent mon avocat pour le démettre de mon dossier. Pour que le jour du procès, avec un dossier aussi énorme, je me retrouve avec un avocat commis d'office. J'y serais pas allée, hein, évidemment. Mon avocat a bataillé pour montrer leur entourloupe, leur tricherie. Et mon avocat n'a pas été démis de mon dossier. Il était dans son bon droit, il n'a commis aucune faute. Donc, premier procès en appel, il y a ça. Alors là, il y a beaucoup de témoins, donc il faut que ce soit long. Donc, c'est 3 semaines prévues. Au bout de environ une semaine, il ne se sent pas bien. Et tout le monde rentre chez soi. Il va à l'hôpital parce qu'il vient avec un fauteuil roulant, hein, bien sûr. Comme mon père d'ailleurs, au premier procès, il était avec un fauteuil roulant et quand il riait de mon frère qui pleurait en disant ce qu'il avait à dire, mon père riait sur son fauteuil roulant de mon frère qui pleurait. Le juge lui a dit « Monsieur, votre comportement est inadmissible, vous quittez la salle ». Mon père s'est levé de son fauteuil roulant pour sortir. Tout le monde a ri. Bon. Donc là, fauteuil roulant, au bout de quelques jours, il est malade. Donc monsieur va à l'hôpital. Le lendemain, le juge annonce qu'on est obligé de reporter le procès. Et au moment où le procès est reporté, le monsieur sort de l'hôpital et rentre à Marseille chez lui. Et là, il a donc été condamné à 15 ans, au final, à ce deuxième procès en appel, 15 ans de prison. Il a fait un pourvoi en cassation. Donc là, on attendait depuis un an d'avoir la réponse. Son pourvoi en cassation a été rejeté. Donc, il est condamné définitivement à 15 ans. Donc normalement, il va en prison. Mais en fait, là, il a été vu en Corse en vacances. Et les grands hôpitaux, c'est à Marseille. Et quand on est trop malade et qu'en plus on fait reporter un procès comme ça, mais il faut rester près des hôpitaux à Marseille. Si vous êtes assez en forme pour aller en Corse, vous êtes assez en forme pour aller en prison. Il s'est pris tout seul la liberté d'aller en Corse. Il est dans sa maison de vacances. Il a demandé à personne. Là, j'ai écrit au procureur de la République de Bastia, procureur de la République de Marseille, pour les informer et pour qu'on nous explique comment c'est possible que quelqu'un qui, en tout cas, au moins était assigné à résidence à Marseille, parce qu'il est très malade, on l'a vu faire du Zodiac et aller au restaurant à Calvi. Là où la justice devrait être vraiment perfectible, c'est dans les délais de traitement de ces affaires. Cécile De Oliveira, avocate. Donc le temps de l'instruction, c'est-à-dire le temps d'une enquête très approfondie, il est généralement bénéfique, utile pour le procès. Mais il y a des temps extrêmement longs qui sont pris par soit ce qu'on appelle les commissions rogatoires, c'est-à-dire les moments où un juge confie à des gendarmes ou des policiers un complément d'enquête, soit des temps d'attente pour passer devant le tribunal ou devant la cour d'assises, qui amènent des procès à 2, 3, 4, 5, 6, 8 ans de dépôt de plainte. Et ce temps-là est insupportable. Il est insupportable quand les enfants sont amenés à déposer plainte, parce qu'à ce moment-là, si on dit à un enfant de 6e, en seconde, tu verras, il y aura un procès devant une cour d'assises ou une cour criminelle ou un tribunal correctionnel, à ce moment-là, l'enfant peut être scotché en se disant « Alors, tout mon collège est impacté par cette procédure. » Et donc, ces faits que j'ai tués dans un premier temps, pendant quelques mois, quelques années, ça dépend des enfants, bien sûr, ils vont continuer à diffuser d'une façon terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire à mes copains? Pour moi, la question qui se pose, c'est, une fois que l'enfant a lâché quelque chose, généralement, s'il est enfant à un adulte, s'il est adolescent à une copine ou à un copain, mais qu'est-ce que je fais vis-à-vis des autres personnes? Comment est-ce que l'histoire, j'en parle ou j'en parle pas? J'arrive avec une étiquette victime d'inceste et d'agression sexuelle dans ma classe, ou je fais comme s'il se passait rien dans ma vie, alors que je fais des choses très bizarres, comme rencontrer un gynécologue, un psychologue, un avocat, un juge, un policier, et tous ces événements complètement dingues de ma vie, il faudrait que je les taise à mon groupe de copines ou de copains très proches. Voilà, cette durée de procédure me paraît vraiment difficile. C'est que pour nous, adultes, 3 à 4 ans, c'est long, mais au regard de notre temps, qui est très long par rapport à celui d'un enfant, ça, c'est acceptable. Mais pour un enfant, c'est une métamorphose totale de son corps et aussi de son psychisme et de son univers de vie. Moi, je vois des enfants au début d'une procédure que je retrouve grands adolescents, souvent majeurs quand il y a le procès. Et donc, quand ils deviennent majeurs, la question est pour eux de reprendre seuls cette constitution de partie civile qui avant était portée par un adulte, administrateur ad hoc. C'est un mot qui désigne la personne qui accompagne un enfant victime d'inceste dans une procédure judiciaire. Donc là, devenu jeune majeur, et il faut que l'enfant, le jeune plutôt, accepte de reprendre lui seul ce combat qui est extrêmement difficile sans être accompagné par un tiers. Enfin, moi, en l'occurrence, je suis mort émotionnellement. J'ai eu une anesthésie émotionnelle de 11 ans et demi jusqu'à mes 34 ans au sortir du procès, le 29 mai 2013. Et je n'ai pas, pendant cette période, de 11 ans et demi à 34 ans quand même, je n'ai pas versé une larme de mon corps. Et après, pendant le procès, le soir même du procès, je commençais à avoir des émotions qui revenaient. Et donc ça, c'était le mercredi soir. Et jusqu'au samedi, en fait, j'ai mon corps qui pleurait. J'étais heureux, apaisé. Donc il a été condamné à 10 ans de prison. Bon, il a mis un pied en prison, il avait déjà 520 jours de remise de peine. Et ce qui faisait passer sa peine de 10 à 8 ans. Et à la moitié de ces 8 ans, il a le droit de demander sa liberté sous conditionnelle, donc à 4 ans. À partir de 4 ans, c'est ce qu'il a fait. Et il est sorti au bout de 4 ans et 7 ou 9 mois, je ne sais plus. Il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a un bracelet électronique. Interdiction de venir dans les Landes, mais j'ai appris qu'il y venait quand même les nuits, voir sa mère. Et moi, en revanche, j'ai pris 18 ans ferme de silence sans remise de peine, par contre. J'ai pas eu cette chance. La mise en pratique de la loi reste insuffisamment protectrice. L'immensité des classements sans suite, des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites aux enfants, et le nombre extrêmement faible de condamnations montre que les agresseurs bénéficient, quoi qu'on dise, d'un système d'impunité. Un tel système d'impunité interroge le fonctionnement de la société tout entière. Mais cette interrogation de la société peut se faire par le fonctionnement des institutions de protection des enfants, des autorités de police, de l'autorité du judiciaire et des institutions de protection de l'enfance. Nous avons des difficultés à mettre en œuvre le principe de la présomption d'innocence d'une manière qui soit compatible avec la protection des enfants. Nous avons des difficultés à mettre en œuvre le principe de l'impartialité des juridictions, le principe du contradictoire, le principe de la charge de la preuve, d'une manière qui protège les enfants, et particulièrement les enfants violés. Or, je crois que ce que nous observons, c'est que les principes sont parfois mis en œuvre, mais d'une façon qui fait écran entre le réel et la justice. Et je me souviens d'un colloque à la Cour de cassation auquel j'avais participé et dont l'intitulé était « Le parcours judiciaire de l'enfant victime ». Et j'avais été très marqué par le fait que une très grande partie des débats se focalisait sur le fait que on dise enfant victime, et en disant mais tant que il n'y a pas eu une déclaration de culpabilité, peut-on dire que l'enfant a été victime? Or, l'enfant violé a été violé. L'enfant battu a été battu. Ni les policiers, ni les juges, ni les procureurs, ni les avocats n'ont pouvoir sur le réel. Le réel a eu lieu. Et nous devons mettre en œuvre nos principes pour nous approcher du réel avec un choix, je pense, un engagement personnel de chaque professionnel, mais qui signifierait un engagement collectif, c'est-à-dire politique, le choix de privilégier la protection des enfants. Elle lui a tenu tête à son père, elle lui a parlé aussi à lui. Et elle lui a tenu tête un dernier jour et elle m'a dit « Papa, il dit que c'est pas vrai, donc de toute façon pour moi c'était plus possible qu'elle y aille, donc je me suis mise en non-présentation d'enfant. » Et alors là, il faut savoir un truc, c'est que bah, contrairement à un acte sexuel sur un enfant, qui visiblement on ne les croit pas, ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas, même si c'est un phénomène qui est quand même bien prouvé et qui statistiquement existe, et ben par contre la non-présentation d'enfant, c'est hyper facile à prouver, parce que vous n'avez pas présenté votre enfant. Donc là, le jour où je rentre de la brigade des mineurs, où ma fille vient de réitérer et de raconter au brigadier, donc je viens de redéposer plainte, les agressions qu'elle a subies par son père, j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur une convocation du commissariat pour non-présentation d'enfant. Donc je suis en délit. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs si je ne vais pas être convoquée chez un procureur, me prendre du sursis et payer une amende. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai aucune nouvelle de cette enquête. Bon, l'enquêteur qui m'a reçu était adorable, il a bien compris qu'il y avait des enquêtes en cours, il m'a dit « vous avez raison de ne pas la présenter, parce qu'en même temps, si vous la mettiez, on pourrait vous accuser de la mettre en danger volontairement. Mais en même temps, vous commettez aussi un délit. » Quand ma fille, j'ai dû lui expliquer qu'il fallait qu'elle retourne, elle, ce qu'elle m'a dit, c'est donc « les juges ne me croient pas ». Je les rassure en disant que plein de gens la croyaient, que les juges y rendaient une chance finalement à son père, en se disant que maintenant ça allait mieux se passer, mais que si ça se passait bien, tout le monde serait heureux pour elle, et que c'était super, et que si ça se passait pas bien, elle savait qu'elle pouvait parler. Donc ça, c'était juste avant qu'elle y retourne. Quand elle y retourne, finalement, elle reparle, et elle me dit « mais est-ce que les juges, ils trouvent ça bien que mon papa, il me mette des doigts dans la foufoune ?» Voilà, en fait, le type de question auquel aucun magistrat n'a à répondre, hein, parce qu'ils ne voient pas votre enfant, ils ne répondent pas à cette question-là. Eux, ils n'ont pas à répondre à la question d'une petite fille de 5 ans qui vous demande si, en fait, il trouve ça bien que son papa lui mette des doigts dans la foufoune. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les juges? Maman, ils trouvent ça bien? On ne doit ni protéger le père incestueux, ni protéger l'image de père du père incestueux. Est-ce qu'un père incestueux est un père? Est-ce qu'on peut l'appeler encore père? Même si je reste au niveau de la réflexion juridique, même s'il y a le lien de filiation qui situe l'enfant dans une histoire, il faut distinguer ce que j'appelle les quatre registres de la parenté. La filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Dans les cas d'inceste paternel, je ne dis pas que ce n'est pas son père à l'enfant victime. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce lien de filiation qu'il faut qu'il y ait l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Il faut que nous parvenions à penser qu'on ne transgresse pas la loi impunément et que la violence sexuelle incestueuse, les violences conjugales, les violences faites aux enfants sont une très grave transgression de l'autorité parentale. Car le passage à l'acte violent, incestueux, démontre l'incapacité à être parent pour l'enfant, à être protecteur, à être transmetteur de valeurs, d'éducation, de sécurité. Peut-être c'est son père, mais il ne doit pas avoir l'autorité parentale. Et nous devons lui retirer son autorité parentale. Et il faut aussi distinguer ce que le docteur Jean-Louis Nouvel, pédopsychiatre, appelle le lien et la rencontre. Jean-Louis Nouvel nous montre que le lien c'est psychique et que la rencontre c'est physique. Et il dit, parfois la rencontre attaque le lien. Et je dirais aussi que parfois il faut aider l'enfant à se délier. Il faut aider l'enfant à ne plus être envahi par la figure omnipotente du père incestueux, du parent violent, à l'intérieur de lui. Et c'est étrange parce que ça semble trop coûteux pour la société. C'était la série documentaire. L'inceste, police-justice, au cœur du déni. Bernanos, dans « Sous le soleil de Satan », écrit « Pour un certain nombre de niais vaniteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire. » Parce qu'elle met à disposition et comme à portée de la main un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. C'est pour avec Jessica, Marie, Sébastien, Colin, Ernestine Renet, responsable de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, Emmanuel Piette, médecin, Édouard Durand, juge pour enfants et coprésident de la Civise, Muriel Salmona, psychiatre, Cécile De Oliveira, avocate. Merci au capitaine Diloulo, au commandant Gigant, chef de l'unité des atteintes aux personnes, au commissaire Dumas, chef de la sûreté départementale, et à toute l'équipe de la brigade de la famille de Nîmes. Merci au docteur Tisseron et à l'équipe de l'unité médico-judiciaire pédiatrique d'Orléans, à Laurent Benahim, à Marianne Bowie. Merci à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France, prise de son Nicolas Mathias et Yvan Turc, coordination Perrine Kervran, Marivonne Abolivier et Anaï Morales, mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant de porter plainte, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Anaï Morales et Annise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, prendre en charge les agresseurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.